Pour vos différents travaux en mécanique, l'équipe de Jean Lapierre Mécanique est la solution. Une équipe d'experts qui saura bien vous conseiller et ça à prix fort compétitif. De plus, nous faisons la réparation et la vente de remorques et nous sommes détaillants autorisés de la marque Gator. Jean Lapierre Mécanique, au 448 Principal à Saint-Prime, au 418-251-1394. Toute notre équipe est fière de commanditer la chronique du hockey mineur de Robertval avec Hugo Maltais et souhaite une bonne année à tous les joueurs. On va parler de hockey mineur, c'est la chronique du hockey mineur de Robertval, commanditée par Jean Lapierre Mécanique. Salut Hugo! Salut. Hugo, on va parler d'abord du hockey. Hey, avant, le 2 semaines, tu nous as dit qu'il y avait un problème concernant le hockey mineur, votre tournoi, en raison que c'est long actuellement au Centre sportif Benoît Lévesque. On a du retard. Est-ce qu'on a réussi finalement à régler ça? Puis ça va-tu rentrer dans là? Ou il y a encore des problèmes? Ben, faut le faire à Mastoyage. On a pas le choix, là. On a convenu avec la ville de Robertval que le tournoi se fasse à Mastoyage, puis que, on puisse le faire là, puis avec un changement de date, parce que là, Mastoyage, on pouvait pas le faire dans nos dates habituelles, donc on a dû demander au Québec Saint-Jean de nous autoriser à cette année reculer d'une semaine notre tournoi. Donc tout ça combiné, on va avoir une 39e édition, mais c'est sûr que c'est pas l'édition habituelle, donc elle va être diminuée un petit peu, mais on sait que si on fait pas de tournoi cette année, ben on va avoir des problèmes l'année prochaine à répéter l'édition. Et qu'on va faire un compromis, puis on va faire une plus petite ronde de Vissatome pour maintenir là, notre édition. Puis l'an prochain à la 40e, ben avec notre nouveau centre sportif, ben là on pense qu'on va être correct là. Pour faire une édition normale. OK. Donc, évidemment, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme on dirait. Ben, c'est ça. Puis, regarde, c'est un bien pour un mal quand même. Je veux dire, l'aréna fait des huées, puis tout le monde était d'accord. On ne fera pas le monde, on ne dira pas que peut-être que les dates de construction auraient dû être pensées différemment, puis auraient dû peut-être être pensées en fonction de rénover l'aréna au mois d'avril, mai, juin, juillet, août, donc, au lieu de commencer au mois d'août. Okay. Et un coup que ça a été fait, puis que la ville a décidé de construire ça au mois de juillet, août, puis là, on sait que tous les chantiers, habituellement, il y a rarement de l'avance. Ben, regarde, tout le monde fait des sacrifices. Je pense qu'il y a des organismes à Robertval, là, si je prends le patinage artistique, si je pense le patinage de vitesse, c'est peut-être plus problématique que moi encore, là. Fait que je suis mal la manchée pour chialer quand je suis quand même le moins pire de la gang. Ouais. Dans notre pédule. Puis on dit que regarde, on le fait pour le mieux. Puis qu'on devrait avoir nos séries simple vite à Robertval. Donc on devrait être bon pour les tenir là. Fait que on se raccroche à ça, puis on espère là au moins être capable de jouer quelques parties là. Avant la fin de la saison 2017-2018. OK. Dis-moi, parle-moi maintenant du côté du Ligue Saint-Pélote. Ça va bien dans les ligues, c'est ça? Toujours? Ben, ça finit, là. C'est la dernière fin de semaine, ouais. En fin de semaine des Ligues Saint-Pélote. Là, la première partie du Saint-Pélote va avoir été fait passer. Pour Robertval, là, il y aura peut-être on a travaillé un dossier parce que notre équipe d'Antamar était vraiment pas de cadet, et puis on a demandé une ouverture au niveau de Hockey Sonic Saint-Jean qui a été acceptée. Donc notre équipe simple lettre qui joue dans le Bantamar va aller jouer dans le Bantam B pour le reste de l'année, là, parce qu'ils n'ont pas gagné une fois, là. Ils ont un différentiel de moins 70, moins 80. Okay. Fait que, à part ça, tout va bien là, au niveau des ligues. Puis pour la plupart, ben, quand on arrive là, ben, ça va être en début janvier, là, les tournois qui vont recommencer. Parce qu'on sait qu'on a à peu près, quoi, on a à peu près deux tiers de la saison d'envie de jouer. Fait qu'il nous reste, là, il nous reste à peu près un tiers de la saison, à ce niveau-là. Okay. Fait que ça va super bien, les ligues, là. Je parle pas de gagner, puis de victoire, puis de défaite nécessairement là-dedans, mais, les gens sont satisfaits, puis l'entente est bonne, puis le monde est bien positif, puis est bien content. Fait que, on est satisfaits, là, de notre ligue simple lettre, là, compte tenu, là, que on n'a pas notre aréna, on est à Mastoyage, puis ainsi de suite. Fait que, on va s'encourager, puis on va dire qu'en janvier, ça va continuer de cette façon-là. Ah, OK. Dis-moi maintenant, si on parlait maintenant de ce qui s'en vient actuellement aussi au niveau des... dis-moi, le senior, est-ce qu'il y a des possibilités du senior à Robert-Val? Est-ce que c'est sûr que c'est pas relié, mais est-ce que tu entends parler que ça se travaille actuellement pour amener une ligue senior, tu sais, la ligue senior Lac-aux-Fleuves à Robert-Val? Est-ce que tu entends parler de quelque chose? Moi, j'en ai aucunement entendu parler. OK. Ça, c'est bien honnête. Je suis pas certain que versus là le junior, que ce soit nécessairement une bonne idée. Là. Mm. À un moment donné, là, on est toujours dans la même assiette. Ouais. Et deuxièmement, ben au niveau des joueurs, là, c'est toujours la même affaire. Là. Il y a une quantité de joueurs qui peut être intéressant, mais c'est pas tout le monde à cet âge-là non plus qui veut y aller. Je sais que il y a des gens de Robert-Val, il y a des gens de Robert-Val qui jouent présentement pour l'équipe de Dolbeau. Ça, je suis au courant de ça. Mm. Est-ce que de prendre ces joueurs-là, de les amener à Robert-Val, ça va-tu créer un trou à Dolbeau? Est-ce que Dolbeau a suffisamment de joueurs aussi pour maintenir leur qualité puis leur niveau là de jeu si Robert-Val part avec ses joueurs? Puis là, qu'est-ce qui va arriver avec Saint-Félicien? On envisage-tu que Saint-Félicien vienne jouer continue de jouer à Dolbeau? Est-ce qu'on envisage que ce soit Saint-Félicien vienne jouer à Robert-Val? Mm. Mais ça pour où y a-t-il des repêchages? Parce qu'à un moment donné, c'est beau, mais ça peut aussi faire en sorte que la Ligue tombe s'il y a trop de. En tout cas, je pense que la Ligue pourrait tomber s'il y a ça. Moi, je pense que tu serais mieux de faire une équipe à Alma, solidifier ce bassin-là, puis laisser les joueurs de Robert-Val ben, avec Dolbeau, puis ceux qui sont motivés à aller jouer à dans cette ligue-là, ben, qu'ils jouent à Dolbeau. Puis si la population à Dolbeau, je suis pas au courant nécessairement de tous les faits. Ouais. Est-ce que les assistances à Dolbeau sont intéressantes? Ben, si les assistances sont intéressantes à Dolbeau, puis ça va bien à Dolbeau, ben moi, en tout cas, je serais pas quelqu'un qui nécessairement là, irait nuire à Dolbeau pour créer quelque chose à Robert-Val. Oui, effectivement. Fait que, moi, je vois une concession à Alma, puis Latuc aussi. J'aimerais bien voir Latuc. Latuc, il joue dans les seniors de la Mauricie, puis je regardais ça, c'est assez loin aussi. Donc, moi, j'aimerais bien ça voir une équipe de Latuc aussi débarquer, parce que dans l'ancienne ligue, il jouait dans la ligue du Lac-Saint-Jean. Hein? Oui. C'est sensiblement les mêmes réalités que nous autres aussi. Ça serait intéressant. Mm. Je pense que faire un marché à Alma, il y a assez de joueurs seniors de se changer pour aller jouer dans sa ligue-là. Si ça va bien à Dolbeau, bien regardez, les joueurs de Robert-Val Saint-Félicien jouent à Dolbeau, c'est correct. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est toujours la problématique, c'est le bassin de joueurs. Mm. C'est comme dans le junior avec Robert-Val, qui a une équipe, Dolbeau a une équipe. Les joueurs, Alma une équipe. Donc, on a trois équipes au lac. Là, c'est là qu'à un moment donné, le calibre, ben, tu te ramasses que si on prend cette année dans le junior, là, tu vois que les Jonquières sont en tête. Puis les trois équipes. C'est pas que les éperviers, ça va pas bien, là, mais tu te ramasses avec les trois équipes à la fin. C'est Robert-Val, c'est Normandin. Mm-hmm. C'est Normandin troisième, c'est Alma puis c'est Robert-Val. Fait qu'à un moment donné, on pourrait vivre la même affaire avec le senior. Oui, effectivement. Hugo, je vais te souhaiter, on se reparle-tu la semaine prochaine? C'est sûr que t'es pas toujours occupé, c'est pas toujours régulier ton affaire. Est-ce que t'as du temps pour moi la semaine prochaine? Oui, j'ai du temps pour toi la semaine prochaine, il n'y aura pas de problème. OK. Je sais que t'as des pratiques puis tout ça, puis ainsi de suite. Fait qu'on se reparle la semaine prochaine. On rappelle que cette chronique est une commandite de Jean-Lapierre Mécanique.